soul, I am broken. Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment hebdomadaire à passer ensemble. Laissons-nous glisser dans ces prochaines minutes bonheur, tous les mardis à 8h et 13h30. Vous ou l'un de vos proches avez la capacité malgré vous de capter les émotions d'autrui. Celles-ci pourraient même vous submerger. Vous avez certains sens hyper développés, une sensibilité au bruit peut-être, aux odeurs, aux textures que vous ressentiriez de façon très intense. Vous avez parfois besoin d'un temps d'isolement où vous êtes très attentif aux détails dans les situations qui vous entourent. Une dispute éclate à vos côtés et vous vous sentez concerné, être sur le point de réagir alors même que vous ne connaissez pas les personnes en conflit. Vous avez l'impression d'être souvent dans l'analyse, de beaucoup vous préoccuper de ce que ressentent les autres. Alors, bienvenue dans la sphère unique des personnes que l'on nommerait hypersensibles. Nous représenterions 15 à 25% de la population. La chercheuse Helen N. Aron, qui s'est penchée sur le sujet au début des années 1990, lui a consacré de nombreuses études et plusieurs ouvrages, dont « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité » aux éditions de l'Homme 2013. L'hypersensibilité désigne une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne elle-même ou perçue comme exagérée voire extrême par l'entourage. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup les considèrent comme à fleur de peau, à vif, douillet, susceptible. Les hypersensibles eux-mêmes ont parfois bien du mal à vivre avec leur sensibilité exacerbée. Pourtant, en l'apprivoisant, ce trait de caractère devient une véritable force. Pour beaucoup, cette forte capacité à ressentir est un handicap. Les hypersensibles ont un sentiment de trop-plein. L'impression d'être à vif. Ces personnes se présentent fréquemment comme étant épuisées, anxieuses et se font beaucoup de soucis pour elles et pour leurs proches. Avec des réactions parfois considérées comme disproportionnées, étranges, inadaptées, pas facile de se sentir accepté et de vivre sereinement la relation à autrui. En psychologie, cette notion distingue un tempérament, une caractéristique individuelle qui permet d'identifier un ensemble clinique défini en 1996 par Helen Aron, rattaché à une présentation empiriquement faite par Carl Gustav Jung. Les caractéristiques de cet ensemble découlent d'une plus forte réactivité à une même stimulation, ce qui a des aspects positifs. Jung parle de caractère enrichissant et des aspects négatifs, comme une sensibilité accrue à la peur. Le terme individu hautement sensible est ici traduit par hypersensible, mais cette traduction peut porter à confusion. D'autres traductions existent, comme « hautement sensible » ou « sensibilité élevée ». Marie-France de Palaccio et Saverio Tomasella proposent d'utiliser les termes « ultra-sensible ou ultra-sensibilité plus précis et plus valorisant. Quels sont les signes pour reconnaître quelqu'un d'hypersensible ? Peut-être vous ? Les hypersensibles sont plus touchés par ce qui les entoure, ils ont plus d'empathie et se soucient davantage des problèmes de leurs amis. Ils sont aussi plus à l'écoute des réactions des autres face à quelque chose de négatif. On leur dit souvent de ne pas être si sensibles et de ne pas prendre les choses pour eux. En fonction des cultures, la sensibilité peut être perçue comme un atout ou un défaut, ajoute Ted Zeff. Au cours de ses recherches, il a remarqué que l'on se moquait rarement, voire jamais des hommes hypersensibles qu'il avait étudiés dans différents pays, comme la Thaïlande ou l'Inde, à l'inverse de ce qui se passait en Amérique du Nord. La culture joue donc un rôle important. Dans certains pays, dire de quelqu'un qu'il est trop sensible est un compliment. Les hypersensibles perçoivent mieux les nuances et les détails, ce qui complique les décisions. Même dans les cas où on ne peut parler de bons ou de mauvais choix, concernant le parfum d'une glace par exemple, les hypersensibles mettent plus de temps à se décider parce qu'ils pèsent systématiquement le pour et le contre. Eh bien, prenez votre temps. Ce temps, une minute, une heure, une journée, voire une semaine. Faites comme si vous aviez pris votre décision et observez ce que cela vous fait. Les choses semblent souvent différentes quand on fait un choix et cet exercice mental vous donnera l'occasion d'imaginer que vous avez réussi à vous décider. À l'inverse, une fois qu'elle aura fait son choix dans une situation donnée, une personne hypersensible se décidera plus vite à l'avenir. Ils ont vraiment le sens des détails. Ils sont les premiers à remarquer la façon dont une pièce est agencée, les nouvelles chaussures que vous portez ou un changement météorologique. Ils ne sont pas tous introvertis. En fait, environ 30% seront extravertis, a poursuivi Hélène Aron. Les bruits agacent, les stressent généralement beaucoup plus. Difficile bien sûr de trouver des gens qui aiment les bruits stressants, mais les hypersensibles sont dans l'ensemble beaucoup, beaucoup plus sensibles à la cohue et au bruit. C'est parce qu'ils se laissent déborder plus facilement par leurs sens. Ils auraient également horreur de la violence au cinéma. Les hypersensibles qui sont bien plus empathiques que la moyenne et réagissent plus facilement aux stimuli n'aimeront généralement pas les films violents ou d'horreur. Selon Hélène Aron, l'hypersensibilité serait liée à un trait génétique conservé pendant l'évolution par un grand nombre d'espèces animales, laissant supposer qu'il a certains avantages. Pour Saverio Tomasella, l'hypersensibilité n'est pas génétique mais découle de l'histoire singulière de chaque personne, depuis sa vie intra-utérine, sans oublier les influences possibles du contexte familial, de la généalogie. Mais cela n'a rien d'une pathologie, au contraire, il ne s'agit donc que d'une caractéristique comme la couleur des cheveux. Ce n'est donc ni un atout en soi, ni un défaut, à condition de ne pas se laisser envahir par l'angoisse. Face à une émotion trop forte, il ne faut surtout pas hésiter à faire une pause, prendre un temps calme. La méditation au sens large est utile, la relaxation également. Quoi faire pour vivre mieux son hypersensibilité et quels sont les super pouvoirs qui sont à explorer? Il ne faut ni dominer, ni subir ses émotions. Il faut d'abord s'autoriser à les vivre. L'hypersensibilité n'est pas une pathologie qu'il faut soigner. Devenir humain est une conquête quotidienne et celle-ci passe par la fierté d'être sensible. Puisque vous êtes doté de cette capacité inhabituelle, pourquoi ne pas l'utiliser de manière positive pour vous-même? Vous pouvez par exemple utiliser votre empathie pour comprendre les autres, au point de pressentir leur personnalité, leurs attentes, leurs pensées, et ainsi nouer des relations plus profondes et sincères avec vos proches. De manière plus large, vous pouvez chercher comment mettre votre empathie et votre besoin de contribution au monde au service d'une cause. Les hypersensibles utiliseraient davantage l'hémisphère droit de leur cerveau que la moyenne. Résultat, ils ont un goût prononcé pour l'esthétique et la création, peinture, musique, écriture ou autre. Certains en feront même leur métier. Ils sont aussi dotés d'une forte intuition, celle-ci est parfois impossible à justifier devant leur entourage. Cette intuition résulte d'un nombre élevé de connexions cérébrales. Ajoutez-y un sens aigu de la logique, un besoin de cohérence, et vous obtiendrez l'état d'esprit d'un hypersensible. Il paraîtrait que même dans des secteurs non artistiques, tels que la finance, les hypersensibles apprendraient à utiliser leur intuition à bon escient. Autant de forces et de possibilités pour les hypersensibles. C'est maintenant le moment de se laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres minutes bonheur passées ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Essayez de rencontrer vos émotions. Faites attention à ceux qui vous entourent. Et surtout, eh bien, continuez à être dans le bonheur, la joie et le rire. À bientôt.